Je parle français. Je ne parle pas italien. Tu parles espagnol. Tu ne parles pas japonais. Il parle chinois. Il ne parle pas coréen. Elle parle anglais. Elle ne parle pas portugais. On parle arabe. On ne parle pas turc. Nous parlons polonais. Nous ne parlons pas allemand. Vous parlez allemand. Vous ne parlez pas français. Il parle espagnol. Il ne parle pas italien. Elle parle portugais. Elle ne parle pas espagnol.